RDL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique RDL, il est 10h. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur le 103.5. C'est Yann sur le 103.5 et c'est une heure de musique que je vous propose. On va ensemble expliquer, décrypter les plus grandes chansons françaises et internationales par décennie, évidemment, comme il se doit, entre les années 1960 et 2010. Et justement, on va parler de quelles chansons aujourd'hui? Bien, on commencera dans un premier temps avec la chanson spéciale année 1960. C'est les Supremes qui chantaient en 65 précisément la chanson Stop in the Name of Love. Et puis on continuera avec les années 1970 et le tout premier succès de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. C'était en 1970, tout pile, tout rond. Et ensuite, on repartira 10 ans plus tard avec Call Me de Blondie. Et puis vous découvrirez, pour ceux qui ne savaient pas, que c'est à la base la bande originale d'une musique, donc de film. Et puis dans la décennie spéciale année 1990, eh bien en 1997 précisément, Lara Fabian sortait son plus grand album, celui qui s'est le plus vendu, l'album Pur. Et dans cet album, il y avait Je t'aime, mais il y avait aussi Tout, et c'est cette chanson que nous allons découvrir. Et puis Étienne Daho en 2003 proposait à Dany de revenir sur le devant de la scène grâce à son tube Comme un boomerang. Vous allez découvrir pourquoi. Et on terminera ainsi avec le célèbre J'aime rétro de Kinvé. Il date de 2011. Mais alors, qu'y a-t-il derrière ces fameuses chansons? Quelle est l'histoire de chacune d'elles? Leurs origines? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Et comment traduire les paroles en langue étrangère? Et bien voici tout de suite RDL, c'est musique, c'est parti. Voici sans plus attendre la première chanson. Et on commence donc cette première émission, la première chanson donc de cette émission avec la spéciale année 1960 et c'est le fameux Stop in the Name of Love des Supremes. C'est une chanson donc de ce fameux groupe phare des années 1960. Le groupe est issu du célèbre label américain Motown, à qui on doit en fait quasiment tous les succès durant cette décennie. Et la chanson a été créée par le trio phare de ce fameux label, Brian Holland, Lamont Dozier et Eddie Holland. C'est en fait l'appellation donc pour dire les trois donc personnes, c'est Holland, Dozier, Holland. C'est comme ça qu'on voit en fait dans les textes que ce sont ces trois personnes-là qui sont à l'origine des plus grandes chansons internationales en fait des années 1960. Alors vous le savez très certainement, les Supremes c'est le groupe 100% féminin hein, avec Diana Ross comme leader. Elle était là entre 1958 et 1970, sachant que le groupe continuera mais sans elle jusqu'en 1977. Ce groupe c'est quand même 20 ans de succès en tout et c'est un trio d'amis originaires de Détroit, tout comme le label d'ailleurs Motown, et elles chantent tout ensemble depuis qu'elles se connaissent d'ailleurs. Alors l'idée de la chanson vient justement de l'un des trois membres, des trois compositeurs de Motown, vous savez Holland, Lozier, Holland, et ben c'est sur en plein milieu, c'est Dozier en fait qui lui est arrivé une petite mésaventure on va dire avec sa femme, et du coup c'est grâce à sa femme en quelque sorte qu'il a le déclic de la chanson, et c'est sa femme qui lui donne le titre même de la chanson. En fait sa copine un jour le prend en flagrant délit d'adultère dans un motel à 2h du matin. Elle frappe à la porte. Pendant ce temps-là, la maîtresse du gars se cache et lui justifie qu'il a eu cette chance parce qu'il a travaillé très très tard, qu'il avait envie de se poser, qu'il n'avait pas non plus envie de la déranger dans son sommeil. En fait, bon, elle savait pourquoi. Hein, donc, le truc classique en quelque sorte. Jusqu'à ce que sa copine lui sorte « Chérie, stop, s'il te plaît, stop, au nom de l'amour, avant de briser mon cœur. » Et vous remarquerez qu'en fait, c'est le refrain de la chanson. Parce que c'est effectivement comme ça qu'il a le déclic de la chanson et qu'il saura que ce sera un tube parce qu'au fond, il se dit « Ben, je suis comme tout le monde et cette mésaventure, ça aurait pas dû m'arriver seulement à moi. » En plus, ce titre, il était parfait pour un jeu de mots avec le fameux « Stop au nom de la loi », le « Stop in the name of the law », puisque « Law, love hein, », vous le savez, ça se ressemble énormément. Résultat, Dozier, il va au studio le lendemain. Et quand il arrive au studio, Brian Holland, un autre donc du trio de compositeurs, il joue un air. Dozier le fait accélérer et avec ces aimants-là, il compose tout les trois, la fameuse chanson. Alors la chanson, elle sort, c'est un succès immédiat, quatrième single consécutif du groupe Supremes a atteint la première place du Billboard Hot 100, le prestigieux classement américain. C'est vous dire si cette chanson a eu un énorme succès. Et dans cette chanson, Diana Ross chante ici et confronte son mari en fait à son adultère hein, à travers une violente dispute. Elle en appelle au sens moral de son mari, lui rappelle comment il l'a traité et lui demande stop, d'arrêter au nom de l'amour. Et vous savez qu'il y a une petite chorégraphie aussi concernant cette chanson, le genre par la main, vous savez, quand elles mettent leurs mains comme ça devant elles, bras tendus. Et bien en fait, cette chorégraphie a été suggérée par le leader d'un autre groupe de la Motown, c'est le leader du groupe The Temptations, qui eux aussi ont eu d'énormes succès dans les années 1960, sachant qu'ils étaient tous réunis, les fameux groupes de la Motown, ils étaient tous réunis pour un concert en Europe, ou plutôt d'une émission télé retransmise pendant une heure en Europe avec tous les membres du groupe donc du label, puisque c'était un très très grand label Motown et qui ont participé ainsi, ont contribué à la chanson internationale dans les années 1960. Et enfin la traduction, avant d'écouter la fameuse chanson, ça commence par la chanson I'm aware of where you go, hein, avec le premier couplet, je sais très bien où tu vas, chaque fois que tu franchis la porte je te vois descendre le long de la ruelle en sachant que tu vas rejoindre ta maîtresse, mais tu cours après elle en me laissant toute seule et désemparée, réfléchis bien, moi qui ai été bonne envers toi, réfléchis bien, moi qui ai été aimante envers toi. Et le refrain, stop in the name of love before you break my heart, arrête au nom de l'amour avant que tu ne brises mon cœur, réfléchis bien, réfléchis bien. Vous voyez que le refrain est conforme parfaitement à la fameuse histoire. Je vous propose donc, sans plus attendre, d'écouter cette très célèbre chanson, c'est Stop in the Name of Love des Supremes sur RDL. No. C'était The Supremes avec Stop in the Name of Love et qui date de 1965. Et d'ailleurs, dans une prochaine émission, Diana Ross, la leader donc de ce trio de femmes phares dans les années 1960, qui a signé Upside Down en 1980. Peut-être d'ailleurs qu'elle fera l'objet d'une spéciale année 1980 dans une autre émission. Restez à l'affût donc de cette émission si vous souhaitez connaître les coulisses d'Upside Down et si vous êtes fan de Diana Ross, qui a signé énormément de succès aussi bien pendant la période The Supremes que sa carrière en solo. En attendant, c'était The Supremes sur RDL. Et maintenant, je vous propose la chanson spéciale année 1970. On va se projeter 5 ans plus tard, précisément, avec alors un chanteur, on va dire, plutôt international, puisqu'il n'était pas français, mais qui a fait une énorme carrière en France et surtout en si peu de temps. Il s'agit de Mike Brandt, qui en 1970 démarrait sa carrière en France avec le célèbre « Laisse-moi t'aimer » et cette voix particulièrement grave. Elle est sortie en 1970, donc cette chanson, elle lance la carrière du chanteur israélien et qui décède en avril 1975 après avoir vendu en 5 ans, donc plus de 30 millions de disques. C'est énorme. Je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres chanteurs qui réussissent en si peu de temps à vendre autant de millions de disques. C'est un fan club de tous les instants, en fait, à Mike Brandt, surtout à l'époque, hein, dans la première moitié de la décennie 1970, puisque les filles sont en ébullition à chacun de ses passages. Hein, Mike Brandt en savait quelque chose. Il détestait ça, ça le gênait. D'ailleurs, à noter que la carrière de Mike Brandt démarre à Téhéran, la capitale de l'Iran actuel, hein, puisque la désignation actuelle, la République islamique d'Iran, née en 79 après la révolution iranienne, et donc pas en 1970. Mike Brandt, c'est pas son vrai nom, il s'appelle Mossé Brandt, et il rencontre dans une boîte de nuit de Téhéran donc la chanteuse Sylvie Vartan et le chanteur Carlo. Ce dernier le présente une fois en France au compositeur Jean Renard, hein, qui, après une audition au studio des Dames, deviendra même son producteur et son mentor. Hein, en fait, ils feront tout ensemble pendant pas mal de temps. Alors Renard, il avait en fait une composition dans ses tiroirs, tout simplement, que Dick Rivers lui-même avait refusé, alors que c'est Dick Rivers lui-même qui lui avait demandé cette fameuse chanson, enfin cette fameuse composition, donc, puisque Rivers voulait une musique un petit peu à la Elvis à ce moment-là. Bah au final, qui c'est qui l'a eu? Eh ben c'est Mike Brandt, par la force des choses, justement. Mike Brandt lui accepte de chanter cette chanson, ou en tout cas accepte cette musique. Et pour les paroles qui n'étaient pas encore écrites à ce moment-là, eh bien c'est Jules Renard qui demande à tous ses amis paroliers. Sauf qu'ils sont tous débordés, ils n'ont pas le temps. Résultat, Jules Renard est contraint d'écrire lui-même les paroles parce que ben, ça urgeait, il fallait sortir prochainement quelque chose. En 2 heures seulement, Jules Renard décide d'écrire les paroles sans jamais oublier une chose, la voix particulièrement grave et singulière de Mike Brandt. Tous les mots de ses paroles, donc de « Laisse-moi t'aimer », sont réfléchis non pas en fonction de l'histoire, mais surtout en fonction, il y a un peu de ça évidemment, mais surtout en fonction de la voix particulière de Mike Brandt. Et c'est comme ça en fait hein, que les premières paroles « Laisse-moi t'aimer » arrive comme ça dans l'esprit de Jules Renard. Mais comme Mike Brandt, lui, ne parlait pas le français, hein, c'est un chanteur israélien, il a été repéré à Téhéran, ils l'ont rapatrié en France parce qu'il pourrait faire une grande carrière en France, mais il ne parlait pas le français du tout. Hein, donc, résultat, il fallait lui écrire les paroles en phonétique. Et c'est ce qu'il avait demandé, ce qui fait que du coup, il chantait toutes ses paroles en phonétique. Une semaine d'enregistrement au studio des Dames, là où Mike Brandt a fait son audition quelques semaines plus tôt, a été nécessaire pour enregistrer ce titre, Laisse-moi t'aimer, suivront énormément d'autres succès, on en parlera tout à l'heure. 1 million d'exemplaires vendus pour ce classique de la chanson française et surtout ce classique de la chanson d'amour. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle faire que j'ai pour toi. Oh, oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi tu es mon soleil. Sur RDL avec son Laisse-moi t'aimer, avec cette voix, je le disais, particulièrement originale. La carrière de Mike Brant prend donc fin en 1975, hein, je le disais aussi tout à l'heure, un petit peu plus de précision là-dessus. Il a enregistré la chanson Dis-lui, qui est en fait l'adaptation française de la chanson Feelings du brésilien Albert Maurice, qui lui-même était en fait un plagiat de la chanson de Lulu Gasté, interprétée par Aline Renaud dans les années 50, Pour toi. Hein. Dis-lui, c'est enregistré le lundi 21 avril 1975, précisément, par Mike Brant, et il se défenestre 4 jours plus tard, le 25 avril, du haut d'un immeuble parisien, ce qui fait que Dis-lui sort donc de manière posthume, là aussi, grand succès. Et puis avant, il y avait aussi C'est ma prière, ou encore Qui saura, pour ce jeune chanteur, Mike Brant, qui est décédé à l'âge de 28 ans. Et on va, je vous le propose, sans transition, d'ailleurs, partir maintenant dans les années 1980, et l'année 1980 tout pile, 10 ans après Laisse-moi t'aimer de Mike Brant, eh bien, il y avait Call Me de Blondie. C'est, pour ceux qui ne savaient pas, la bande originale d'un film, hein, au départ, qui apparaît au tout début du film American Gigolo, où l'on fait la connaissance du personnage de Richard Gere, qui en fait se trouve être, comme le titre l'indique, un gigolo, justement, avec les cheveux au vent dans son cabriolet. Enfin, c'est un très début de film hollywoodien, hein, on a vraiment tout le type, hein, vraiment tout. Blondie, en fait, à la base, il faut le savoir, ne devait pas du tout faire la chanson. C'était pas Blondie, en fait, qui était pris, hein, qui avait été choisi pour faire ce titre. Hein. Le producteur avait, dans un premier temps, demandé à la chanteuse Stevie Nicks du groupe Fleetwood Mac pour faire cette chanson, mais en fait, elle avait signé un contrat ailleurs, donc du coup, elle a été obligée de refuser. Et c'est comme ça que les producteurs se sont rabattus, en quelque sorte, sur Deborah Harry, donc, ou Debbie Harry de Blondie. Donc, qui elle a accepté immédiatement d'écrire les paroles de la chanson, parce qu'en fait la musique était déjà composée, hein, par le producteur qui l'avait baptisé Man Machine, cette chanson, et c'est donc la leader de Blondie, Debbie Harry, qui écrit les paroles, une sorte de supplication en fait, hein, elle supplie son amant de l'appeler n'importe quand, n'importe où, pour avoir de ses nouvelles, hein, pour pouvoir lui parler. Blondie enregistre cette chanson dans la foulée, sauf qu'elle ne figure étrangement pas sur leur album pourtant sorti cette année-là, en 1980. Il faudra attendre 21 ans plus tard, en 2001 précisément, pour qu'elles figurent dans une réédition de leur plus grand tube. Après, il faut dire, hein, c'est la bande originale d'un film, hein, donc à la base, ça appartient plus au film que au groupe. La chanson a même été nommée pour un Golden Globe, hein, celui de la meilleure musique de film et la meilleure chanson, remportée pourtant cette année-là par une autre chanson très connue, un autre film aussi très connu, Fame, qui date forcément de la même année, et c'est aussi la bande originale d'un film français quelques années plus tard, en 2016 précisément, le film La French avec Jean Dujardin. Et concernant la traduction, si on prend pareil, hein, le premier couplet et le refrain, la chanson commence par « Color me your color baby, color me your car, emprène-moi de tes couleurs bébé, colore-moi ta voiture, emprène-moi de tes couleurs chérie, je sais qui tu es, sors de ta palette de couleurs, je sais d'où tu viens, appelle-moi sur la ligne, appelle-moi, appelle-moi moi quand tu veux, appelle-moi dans ma vie, tu peux m'appeler jour et nuit, appelle-moi. Il y avait le refrain aussi là-dedans, call me on the line, call me any, anytime, donc c'est ça justement, appelle-moi sur la ligne, appelle-moi, appelle-moi quand tu veux. Eh bien, avant d'appeler, on va surtout écouter Call Me de Blondie sur RDL. Yeah. C'était Call Me de Blondie. Oui, appelez d'ailleurs, appelez-moi, c'est le titre de la chanson. Appelez RDL si vous le souhaitez, si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé, ça nous fait toujours plaisir hein, de pouvoir entendre vos compliments. Et puis si vous n'avez pas aimé ou que vous avez des remarques à dire, n'hésitez pas aussi à appeler d'ailleurs hein, le standard de RDL, ça permet de tout simplement de pouvoir avoir des retours et donc d'améliorer l'émission. Ça fait toujours plaisir à entendre, de savoir, quel que soit le retour d'ailleurs, qu'elle est suivie. Et d'ailleurs, Appelle-moi, c'est donc le titre hein, traduit de la chanson de Blondie, Call Me. Ça peut aussi être l'objet de la chanson suivante, puisque avant la rupture, en général, on essaie toujours de savoir pourquoi, on essaie toujours de s'appeler, on essaie toujours voilà d'éclaircir un petit peu les choses. Et bien, l'étape suivante après avoir appelé hein, pour clarifier les choses au clair, c'est ou la réconciliation ou la séparation, et c'est là qu'arrive la chanson Tout de Lara Fabian. C'est issu de son album Pur, sorti en 1996 au Canada, puis 1997 en France. Lara Fabian, c'est une chanteuse belge qui a d'abord conquis le Canada avant la France, donc, et qui sort en ce moment un album tout en anglais, intitulé Camouflage. Lara Fabian, donc, elle a une histoire quand même particulière de par, justement, ces trois pays qu'elle a visités et dont elle vit, parce qu'elle vit un coup en France, un coup en Belgique, et puis elle doit peut-être vivre aussi au Canada quelque temps. Alors Lara Fabian, elle écume dans un premier temps les concours de chant depuis ses 14 ans, depuis 1984, et elle représente même le Luxembourg à l'Eurovision 1988 avec sa chanson Croire, et elle devient quatrième de ce concours, puisque la première cette année-là est une autre grande chanteuse que l'on connaît tous, peut-être encore plus connue internationalement, bien que Lara Fabian mène aussi une très très grande carrière, bah c'est Céline Dion avec son Ne partez pas sans moi qui ressort vainqueur. Et c'est à partir en fait de l'Eurovision 1988 que Céline Dion et Lara Fabian d'ailleurs peuvent entamer leur carrière internationale, puisque Céline Dion aussi hein, ce sera le coup aussi, puisque alors d'abord il y a la partie française hein, de Céline Dion, mais c'est là aussi qu'elle se fait connaître dans certains pays. Alors concernant Lara Fabian, elle part dans un premier temps au Canada après l'Eurovision plusieurs semaines, et elle revient en Belgique en 1990, et une amie lui propose alors d'aller se détendre dans un piano bar intitulé Le Crescendo qui se situe à Bruxelles, là où elle vient. Et c'est là qu'elle rencontre un pianiste, celui qui joue tous les soirs dans ce bar et qui s'appelle Rick Allison. D'abord, une complicité amicale se crée hein, entre les deux, et puis une relation amoureuse très très rapidement, et ils resteront ensemble pas mal d'années, ils resteront ensemble 7 ans précisément. Ils partent ensemble au Canada, ils créent leur propre label ensemble, et c'est avec ce label-là que Lara Fabian sort son premier et son deuxième album, qui ont quand même un grand succès au Canada. Mais en 1996, elle prépare son troisième album, l'album Pur, donc. Sauf que Allison, lui, signe les trois quarts des musiques. Mais pourquoi les trois quarts? Eh bien parce que c'est là que le couple, entre-temps, pendant la préparation de l'album, se sépare. Lara Fabian est très affectée, elle écrit le texte du titre « Tout » sur la musique de son ex-mari concernant la rupture sentimentale. Hein, c'est une histoire de rupture sentimentale, hein, ça s'entend et ça se comprend surtout quand on écoute les paroles. Le single sort en mai 1997, il cartonne, la France l'adore, et désormais c'est le tube de l'été 1997, et c'est la chanson culte pour une séparation amoureuse. C'est pas une chanson gay, mais c'est une chanson très très très très belle, de par la musique, les paroles et aussi la voix de Lara Fabian qu'on écoute sans plus attendre. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous détruit au corps est à présent fini. s'écrivent au passé aujourd'hui. C'est fini. Nous, on n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. On n'avait rien à prouver, nous, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. Nous, on n'a rien vu passer, rien vu se déchirer, pas même la force de ces années. Jouer le tout pour le tout. On s'est dit on s'en fout. On a l'univers rien qu'à nous. On a tout. J'espère que vous avez bien chanté, en espérant que vous n'êtes pas d'ailleurs en pleine situation compliquée à votre conjoint ou votre conjoint, que ça vous a pas non plus fait remémorer des souvenirs douloureux. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette chanson est vraiment magnifique, je tiens à le dire personnellement. Il y a noté qu'il y a une sorte de paradoxe que j'aime bien dans cet album pur, puisque dans cet album, il y a, je le disais, la chanson « Je t'aime » et la chanson « Tout, tout, c'est une chanson de rupture qu'elle a écrite, je le disais donc, suite à sa rupture avec Rick Allison. Et Je t'aime, c'est justement une chanson d'amour que Lara Fabian a écrite pour Rick Allison. Et ces deux chansons se retrouvent dans le même album et composées par le même homme dont elle parle dans ces deux chansons en question. Et oui, je trouve ça assez amusant et puis assez triste pour cet album, d'ailleurs pur, qui est l'une de ses plus grandes ventes, si ce n'est sa plus grosse vente. Et ça date déjà de 1996. Elle a fait d'autres succès, notamment en 2001 avec Immortel, hein, par exemple. Lara Fabian, qui, je le rappelle, sort un nouvel album intégralement en anglais avant le prochain en français. Et après la chanson spéciale année 1990, je vous propose de rester avec une chanson française. La chanson année 2000 et 2010 sont aussi en français. Et juste avant de faire la fête avec Kinvé, je tease un petit peu la chanson suivante, et bien on va continuer avec une chanson un petit peu plus douce concernant la musique, mais avec des paroles nettement plus punch, on va dire, puisque la chanson a été écrite par Serge Gainsbourg. Et oui, c'est la chanson Comme un boomerang, chantée par Étienne Dao et Dany au début des années 2000. Alors Dany, de son vrai nom Danielle Grohl, hein, c'est une chanteuse très célèbre dans les années 1970, hein, tantôt actrice actrice, tantôt mannequin, puis chanteuse. Hein. Elle a eu un grand succès à la fin des années 60 avec sa chanson « Papa vient d'épouser la bonne », c'était en 1968. Et « Comme un boomerang » est une chanson écrite par Serge Gainsbourg en 1975. Alors, parce que si on repart un petit peu depuis le début, en 1974, hein, Dany est choisi pour interpréter, pour représenter la France à l'Eurovision cette année-là, avec une seule condition qu'elle aimait, une seule, que Serge Gainsbourg lui fasse une chanson. Alors, Gainsbourg accepte et il écrit la chanson « La vie à 25 ans ». Elle en a 30, hein, en réalité. Mais c'est cette chanson qui devait passer à l'Eurovision. Parce que oui, mais voilà, l'imprévu arriva, en quelque sorte. C'est le 2 avril 1974, c'est le décès de Georges Pompidou, alors président de la République. Résultat, bah forcément, deuil national. Pas de chance, les obsèques nationales ont lieu le 6 avril 1974 et l'Eurovision a eu lieu le 6 avril 1974. Donc forcément, obsèques nationales oblige en France. Le pays se décide de se retirer de la compétition. Du coup, on ne concourt pas. Pas de chance pour Dany, la chanteuse française hein, qui avait gagné pour le Luxembourg l'année précédente et qui du coup n'a pas pu aller au Royaume-Uni pour remettre le prix au vainqueur. D'ailleurs, cette année-là, eh bien, c'est ABBA avec Waterloo, la chanson Waterloo. C'est cette chanson-là qui gagne cette année-là en 1974 et c'est le Luxembourg qui avait effectivement remporté la compétition l'année dernière, mais c'est au Royaume-Uni que la cérémonie a eu lieu. Elle n'a pas pu non plus se rendre puisque... pareil, pour des raisons de deuil national. Ça, c'était Luxembourg, mais bon, Luxembourg, la France, hein, bon, voilà. Et en 1975, donc, eh bien, rebelote, Dany est à nouveau choisi pour l'Eurovision. Même condition, Gainsbourg lui fait une autre chanson. Cette fois, c'est comme un boomerang. Sauf que le jury de la sélection française a un problème avec cette chanson. Il y a des mots dans cette chanson qu'il trouve choquant. Le mot exsangu, aimé comme une dingue, et surtout à la fin, si un jour je me flingue, ils se disent, à l'Eurovision, ça ne passera pas. Alors, Gainsbourg et Dany refusent de changer ne serait-ce qu'une seule lettre dans les paroles, et donc, ils laissent leur place, ils se disqualifient tout seuls, en quelque sorte, ils décident de ne pas faire l'Eurovision, et Dany ne fera donc jamais l'Eurovision pour représenter la France. Alors les années passent, hein, Dany est donc malheureusement peu à peu oubliée après la décennie 1980, 90, etc. Elles sont dans une dépression et l'addiction jusqu'au début des années 2000 où là, Étienne Dao, grand fan de Dany, lui propose de reprendre et de produire la fameuse chanson Comme un boomerang qu'elle était censée interpréter à l'Eurovision 1975. En grand fan, hein, Dao souhaite même relancer la carrière de Dany, la faire en duo. Et justement, alors il faut savoir que Étienne Dao avait fait une chanson en 1987 hein, pour Dany, il se connaissait depuis longtemps, il se connaissait depuis la fin des années 1980, mais il n'avait jamais chanté vraiment ensemble en duo comme un boomerang. D'ailleurs, c'est pas facile à dire. Le succès est immédiat avec plus de 100 000 exemplaires vendus de cette chanson. On écoute Comme un boomerang. Pour ceux qui ne s'en souvenaient plus, cette chanson, eh bien, c'est ça. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des baumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais fais partie du gang de mes séducteurs passés. Prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'accord que je t'aime. Comme un boomerang avec Dany et Dao, en quelque sorte, Étienne Dao et Dany qui chantaient donc cette chanson au début de la décennie 2000. Et à noter, pour revenir rapidement et une dernière fois sur l'Eurovision 1974, je le disais tout à l'heure, c'est ABBA qui avait remporté l'Eurovision cette année-là avec la chanson Waterloo. À noter que les quatre premiers de cette année-là sont des personnes connues. En tout cas, le premier, le deuxième et le quatrième sont que des personnes connues, ce qui est assez rare hein, quand même, on peut le dire, hein, un Eurovision donc particulier cette année-là, aussi bien pour la France, mais pas que, et pour des raisons différentes, puisque en premier, on retrouve ABBA, en deuxième, on retrouve la chanteuse italienne, pour l'Italie, hein, donc très connue, Gigliola Cinquetti, et le Royaume-Uni, le pays hôte, donc arrive en quatrième position, avec une certaine Olivia Newton-John. Et oui, et on passe donc, sans plus attendre, à la décennie spéciale 2010, avec une chanson plus récente. Il est vrai que maintenant, à force de traverser les années comme ça, et cette décennie actuelle hein, que nous sommes en train de vivre, on est déjà en 2018, bientôt en 2019, très bientôt, tellement que ça passe vite. Donc, du coup, ce qui nous paraissait récent parmi les chansons sorties au début de la décennie 2010, eh bien on se rend compte qu'elles deviennent de plus en plus anciennes et particulièrement en ce moment, à la fin de cette année 2018. Puisque la chanson J'aimerais trop, par exemple, du chanteur Kinvey est sortie en 2011, soit il y a 7 ans déjà, alors que cette chanson, au fond, on pourrait penser qu'elle est récente, parce que c'est vrai qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps quand même, par rapport, par exemple, à The Supremes qu'on a écouté en début d'émission. Et pourtant, cette chanson J'aimerais trop, elle est issue de l'album Carpe Diem du chanteur français Kinvey, de son vrai nom Kevin Bonnet, il a bien fait de changer de nom, qui est sorti en 2011. Alors, Kinvey, il a commencé comme DJ, hein, il s'est fait repérer ainsi en boîte de nuit, en train de chanter donc sur des sons particulièrement ambianceurs. Et ses parents et sa mère, surtout en particulier, il l'aura déclaré lors d'une émission de télévisée, n'a jamais vraiment aimé son métier, en fait. Et il lui a dit le jour de ses 30 ans, c'est-à-dire il y a pas si longtemps que ça, « Bon, maintenant tu t'es bien amusé, que t'as 30 ans, tu pourrais faire un vrai métier, non ?» Et vlan, voilà comment on peut casser le moral d'un enfant quand même. Alors Kinvey, il faut savoir, c'est l'auteur de la chanson, parce qu'il écrit hein, ces textes de Kinvey, c'est l'auteur de la chanson J'aimerais trop, et dans cette chanson, il flash sur une certaine Valérie, bien connue du grand public, hein, que vous connaissez forcément, à force de l'avoir dit et redit dans toutes les émissions, pas ici, hein, mais dans toutes les émissions sur internet et compagnie. Il flash bien sûr sur Valérie Beigue, Miss France 2008. Et la preuve avec les paroles, pour donner quelques indices hein, quand même, puisqu'au début du couplet, quand il dit chaleur des îles, mademoiselle est belle, hein, Valérie Beigue a été Miss Réunion, hein, donc chaleur des îles, c'est une île. Plus loin, oh mon Dieu, qu'elle est belle, ma métisse, Valérie Beigue vient de la Réunion. Donc, moi perso, je les ai bien aimées, tes photos. Alors, les photos, il parle hein, des photos volées et sexy de Valérie Beigue qui a été publiée sur Entrevue et qui lui a valu sa destitution. Parce que c'est la seule ces dernières années, sachant que Valérie Beigue elle a été Miss France il y a 10 ans déjà, en 2008, hein, je disais donc le fameux temps qui passe, hein, donc elle a été destituée, c'est la première fois depuis 2008 hein, en tout cas. À l'autre, Viens, tu lui as fait ravaler son chapeau, il parle évidemment de Geneviève de Fontenay, la directrice de la société Miss France alors, hein, Sylvie Tellier n'est entre guillemets que la vice-présidente hein, en quelque sorte, la directrice adjointe donc.

semble apprécier l'autre et pas forcément réciproquement d'ailleurs, mais Valérie Beg et Kinvé, ils ont bien un point commun. Lequel ? Eh bien, ils ont tous les deux participé à l'émission Danse avec les stars. Eh oui, Valérie Beg, elle, a fait la deuxième saison, c'était fin 2011, elle a été éliminée en semaine 3. Fin 2011 d'ailleurs, c'est pile l'année de sortie de la chanson J'aimerais trop, comme quoi les coïncidences n'existent pas. Quant à Kinvé, lui, il a fait la quatrième saison en 2013, soit 2 ans plus tard, il est arrivé demi-finaliste et Kinvé n'a pas particulièrement apprécié la compétition. Il a trouvé que c'est une bonne expérience, mais bon, il n'a pas particulièrement aimé, pour être tout à fait honnête. Il a surtout détesté notre colmarien Chris Marquez, qui était juge à ce moment-là et qui l'est toujours, et qui lui a mis pas mal de 3 et de 4 et qui l'a pas mal descendu concernant la danse. Et justement, ça nous fait une magnifique transition avec le prochain artiste, puisque maintenant je vous propose d'écouter deux nouveaux titres de personnes que vous ne connaissez pas forcément et de chansons que vous n'avez peut-être jamais entendu, mais l'artiste suivant que nous allons écouter, il a lui aussi fait Danse avec les stars. Il a participé à la 6e saison en 2015. Il a même terminé bon 3e, hein, puisqu'il a été finaliste. Il a été très doué pour avoir suivi cette saison cette année-là. À noter que Valérie Beg a fait la 2e saison, Kinvé la 4e saison et Olivier Dion a fait la 6e saison. C'est que des saisons paires, hein, dont on parle dans cette émission. C'est Olivier Dion. Vous vous souvenez peut-être pour donc Danse avec les stars il y a 3 ans aussi, The Island Celebrity, l'émission sur M6 qui est passée récemment d'ailleurs, vous l'avez vu là, et il a fait aussi la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, pour lequel il est aussi particulièrement connu en France, puisque c'est un chanteur québécois, trentenaire, qui s'est fait connaître grâce à la Star Academy au Québec, c'était en 2012, et c'est son premier titre en solo diffusé en radio depuis 4 ans que je vous propose désormais. Le titre s'appelle Curieux en anglais. Je vous propose donc de découvrir la dernière chanson d'Olivier Dion. You can feel it when the energy change. City's so different in the summertime. Girl, I know that you are always the same. You are. I think about you when I can't get started. Hey, I thinking I could be a little too much, baby. Do you think about me? Cause I think you do. I can see it in your eyes. I ain't gonna think twice. Yeah. Depuis qu'on se connaît. Je me sens envoûté. Si c'est mieux, quand je le veux. Je suis dans le jeu, et je t'aurai. Tu m'as pris dans tes filets. Plus besoin d'être secret. Si c'est mieux, quand je le veux. Je suis dans le jeu, et je t'aurai, ouais. Il n'y a pas de non-dit. Je pense qu'on s'est compris. Je voudrais te revoir. Tu me permets d'y croire. J'aime bien ces moments. C'est si facile et tout vient naturellement. Ouais. Think about you when I can't stop. Thinking I can be a little too much, baby. Do you think about me? Cause I think you do. I can see it in your eyes. I ain't gonna think twice, yeah. Depuis qu'on se connaît, je me sens envoûté. Si c'est sérieux, quand je le veux, je suis dans le jeu et je t'aurai. Tu m'as pris dans tes filets, plus besoin d'être secret. Si c'est sérieux, quand je le veux, je suis dans le jeu et je t'aurai, ouais. Depuis qu'on se connaît, je me sens envoûté. Si c'est sérieux, quand je le veux, je suis dans le jeu et je t'aurai. Tu m'as pris dans tes filets, plus besoin d'être secret. Si c'est sérieux, quand je le veux, je suis dans le jeu et je t'aurai. You got me feeling so serious. You got me wanting it curious.

c'était la poésie de Dominique avec ses magnifiques paroles, donc issues de son 13e album intitulé La Fragilité, qui est d'ores et déjà disponible. Je rappelle donc qu'il est en concert en Alsace le 7 décembre prochain. Ce sera au théâtre de Schiltigheim. C'est déjà la fin de cette émission. Et oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était déjà la 20e émission, puisqu'on a commencé en juin dernier. On se retrouve en novembre. C'est déjà la 20e. Et oui, merci beaucoup de passer ces 20 émissions ensemble. Et puis, on se retrouve pour 20 autres émissions, et même plus, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi et écouté cette émission. N'hésitez surtout pas de le dire si ça vous a plu ou pas, et d'échanger. J'espère que vous avez appris les choses. D'ailleurs, on se retrouve mercredi prochain à 10h pour 6 nouvelles chansons expliquées. Excellente fin de semaine à tous et tout de suite, retrouvez évidemment la programmation de RDL. Restez sur le 103.5. Excellente semaine à tous sur RDL, bien sûr. Salut.